J'ai toujours entendu dire par des hantis ce que ça faisait. Mais le fait de le vivre est bien pire que ce que j'imaginais. Aujourd'hui, ce que la vie me propose me tue à base de morphine à forte dose. J'avais tout misé sur lui. Je suis perdue à mi-chemin entre l'amour et la haine. J'avais une haute estime de lui. C'était l'homme de ma vie. 8 ans après, je tombe de haut. Il est comme tous les autres. Faut savoir ce qu'il en est de toi. Yeah.